soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, autour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Duo en ce mardi 11 juin 2024. Bienvenue dans ce programme des mots, des sons sensibles. Après quelques jours de, on va dire, d'absence, en effet, premier direct de cette semaine en ce mardi. On se remet de quelques jours, voire quelques heures de panne hertzienne. Mais reprise à la normale depuis hier en fin d'après-midi. En revanche, on ne se remet pas véritablement de dimanche et du résultat électoral dans le cadre de ces européennes 2024. Alors, véritable cas de conscience qui s'est posé pour ce magazine aujourd'hui. Néanmoins, nous avons confirmé et maintenu ce programme aujourd'hui. En effet, drôle de monde, drôle de période, hein, où l'on a célébré de parler rendez-vous info et magazine passé. Eh bien, cette commémoration, si l'on peut dire ainsi, et devoir de mémoire, 2024-1944, résistance à l'honneur, célébration multiple. Néanmoins, on voit que le son de l'histoire ne se tient pas forcément, alors plus que deux gueules de bois, véritablement la nausée aujourd'hui pour ce programme. On va oublier néanmoins ces matins bras et voir ce qui roule. C'est le cas de le dire et nous allons parler de Vélorussion aujourd'hui. En effet, avec Raphaël qui est avec nous. Raphaël, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le 895 de Duo. On a enfin réussi en effet à convenir et maintenir ce rendez-vous. Raphaël, tu es président de l'association Aussi Vélo. Co-président. Oui. Co-président. Ouais. L'association Aussi Vélo qui sort de ce mois de mai à vélo. Plutôt plus vieux. Un mois d'été, plutôt plus vieux, on va en reparler. Mais qui surtout co-organise cette Vélorussion à l'assaut du Gier. Qui se tiendra cette fin de semaine, ce sera ce dimanche 16 juin. C'est ça. Donc on va avoir l'occasion ensemble d'aborder les politiques en matière de mode doux et de deux roues. Et puis cet événement donc attendu ce 16 juin à l'assaut du Gier, nouvelle édition. C'est quoi la 8e édition, Raphaël ? 7e, oui. 7e édition en cette année 2024. Alors voilà, petit cas de conscience dans ce programme aujourd'hui. Nous n'allons pas parler d'actualité politique, mais plutôt sociale, culturelle, transport, écologie à l'ordre du jour aujourd'hui. Nous reviendrons bien sûr sur l'actualité en matière politique d'ici quelques programmes à venir. Après, véritablement, hein, ce coup de massue que nous avons reçu ce dimanche à l'issue de ce scrutin. Avec ces résultats véritablement affligeants. On a pu le voir dans la presse locale et la tribune ce matin même, une seule ville où le Rassemblement national ne serait pas arrivé en tête. Bon, trois petites villes qui font la résistance néanmoins dans le département de la Loire, la Ricamari en effet, mais également la Chamba ou encore Sainte-Agathe en Donzy. Et puis à partir de demain, on le sait, jusqu'à dimanche, c'est le dépôt des candidatures pour cette campagne la plus courte de l'histoire, me semble-t-il, de la 5e République et ces élections législatives attendues 2 ans après 2022 donc, et donc suite à la décision de la dissolution de l'Assemblée, remettre ces élections législatives en jeu. Ce sera le 30 juin et le 7 juillet prochain. Vélorussion à l'assaut du Gier avec Aussi Vélo dans ce programme aujourd'hui. Quelques infos néanmoins à vous faire part durant ce programme aujourd'hui. Et alors, petite entorse à la règle, nous n'allons pas retrouver en ouverture de ce programme nos partenariats et découvertes Ferrarock. Ce sera le cas néanmoins durant ce programme aujourd'hui, qui va s'ouvrir en musique avec cette France que l'on défend néanmoins depuis de longues années maintenant. Parce que nous avons mal à notre France aujourd'hui, et pourtant nous diffusons, proposons ce titre depuis tellement de longues années. Et bien affligeant et triste de le remettre au goût du jour à nouveau aujourd'hui. Je vous propose ce titre de Rachita qu'il avait lui-même revisité dans son dernier album Zoom, paru il y a quelques années de cela, ça fait presque 10 ans, comme quoi voilà, c'est précisément le titre que je vous propose de retrouver de Rachita en ouverture de ce programme. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Voilà, voilà que ça commence. voilà que ça commence. Partout, partout, et sur la douce France. Voilà, voilà que ça commence. Partout, partout, ils avancent. Voilà, là, voilà que ça commence. Ils avancent, ils avancent, partout, partout, ils avancent. Voilà, voilà que ça recommence. Rachid Taha, issu de cette version au sein de son 9e album solo qui est sorti il y a plus de 10 ans maintenant. C'était en 2013 avec les collaborations des musiciens Brian Eno, Ronald Berger ou encore Mick Jones, ex-Clash, sur cette version. Malheureusement, ô combien encore d'actualité, plus que la gueule de bois, c'est véritablement la nausée que nous avons encore aujourd'hui pour reprendre cette antenne. À l'issue, je le disais, de cette échéance électorale de dimanche dernier, on a l'occasion de revenir sur l'actualité politique dans les prochains magazines à venir, mais voilà, on a décidé aujourd'hui d'adapter une ligne éditoriale un peu particulière et parler de choses qui vont plutôt pas mal, qui roulent plus ou moins, et c'est véritablement le cas de le dire avec l'association Aussi Vélo qui est accueillie aujourd'hui en nos studios via Raphaël, coprésident de l'association Aussi Vélo, que je resalue sur cette antenne et que je remercie encore d'être avec nous aujourd'hui. L'association Aussi Vélo, Raphaël, qui organise sa Vélorution ou co-organise cette Vélorution à l'Assaut du Gier qui se tiendra ce dimanche 16 juin. C'est la 7e édition. Alors on est en ce début de mois de juin, en sortie de ce mois de mai passé, un mois de mai à vélo, une opération nationale dans laquelle vous êtes inscrit. Oui, j'imagine. Comme chaque année, ouais. Et oui, avec une météo néanmoins peu favorable, mais si on peut faire peut-être, comment dire, un petit point et récap et actualisation des choses à l'issue de ce mois écoulé. Oui, le mois de mai à vélo, alors cette année c'est peut-être le mauvais exemple, mais c'est souvent le mois où il commence à faire beau, où on commence à avoir envie de sortir dehors, et c'est le mois où on se dit bah, pourquoi pas essayer le vélo. C'est un mois propice pour essayer le vélo. Alors cette année c'est une mauvaise année, mais pas tant que ça, c'est aussi faire du vélo, c'est aussi découvrir l'environnement extérieur, découvrir qu'il pleut. Et que on est souvent dans des boulots aseptisés, où on reste dans des bureaux, où on monte dans sa voiture, on monte dans un ascenseur, et on est plus au contact des éléments. Donc le vélo, c'est faire du vélo quand il fait beau, effectivement c'est beaucoup plus agréable, mais c'est aussi découvrir qu'il y a des temps qui sont un peu moins bons. On s'équipe et tout va bien. En fait, on se rend compte que finalement, il peut pleuvoir, il peut faire froid, il suffit d'avoir quelques équipements, un cavouet, un pantalon, et tout va bien. Donc ce mois de mai, c'est vraiment un mois de mai pour refaire découvrir le vélo à tout le monde, découvrir le vélo taf, qui est important, découvrir que on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la voiture pour faire 2, 3, 5 kilomètres. Et en ville, on se rend compte que en vélo, on va souvent plus vite qu'en voiture pour faire ces 4-5 kilomètres. Donc c'est un mois important, c'est un mois national, c'est pas nous qui l'avons, c'est au niveau de la Fédération des usagers de la bicyclette, donc la FUB, qui a lancé ça. Et il y a eu des événements qui sont faits dans plusieurs communes. Il y en a eu à Sorbier, il y en a eu à Taddeau, mais il y en a eu aussi à Saint-Étienne. Cette année, on a donc organisé avec Vélocio une balade urbaine dans Saint-Étienne qui a plutôt bien marché. En plus, c'était un week-end où il faisait beau et chaud. Pour déjouer les pronostics. Ça, c'est il y a 15 jours de cela. Hein. C'est il y a 15 jours, voilà. Quoique pour le Vélocio en tant que tel, dimanche, il ne faisait pas non plus si mauvais. La météo était plutôt... Oui, c'est vrai. de la partie. Mais voilà, c'est montrer aussi qu'on peut se déplacer en ville en toute tranquillité, qu'il y a des choses à voir aussi, des choses à découvrir en vélo. On va souvent moins vite qu'en voiture. Donc ça permet de découvrir des paysages, des senteurs, et ça c'est ça fait partie du vélo du quotidien. Oui, il y a 15 jours de cela, donc en collaboration avec Vélocio, en effet, une semaine avant la manifestation de ce dimanche, il y a 15 jours à Saint-Étienne, vous avez organisé cette balade urbaine, qui était d'ailleurs en partie une balade même reportée pour une balade et une pratique qui s'adressait principalement aussi aux femmes. C'est ça. En fait, on avait une balade pour la journée des droits des femmes. C'est la balade femmes, filles et compagnie qu'on fait chaque année. Alors cette année, malheureusement, la météo n'était pas avec nous. Le jour de la balade, on n'a pas pu la faire parce qu'on a eu un arrêté au niveau d'une tempête. Donc ce qu'on a décidé, c'était de la redéployer lors de mai à vélo, et on l'a fait avec Vélocio. Donc c'était la première année qu'on faisait ça. C'est montré aussi que le vélo, c'est très très masculin. On voit, nous, on a un atelier mécanique d'auto-réparation, et c'est souvent identifié comme très masculin. Et nous, le but de l'association, c'est de montrer que non, le vélo, c'est pour tous les genres. C'est pas que masculin, et montrer que la femme, en l'occurrence, a toute sa place dans le vélo. Et on se rend compte aussi souvent quand on a une vision différente que la vision masculine, on a une vision différente sur les aménagements, sur comment se comporter sur la route. Voilà, c'est une vision différente et qui est assez intéressante et qu'il faut intégrer. Et je rappelle, c'est quand même, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Le vélo est fait pour tout le monde. Donc c'est important de rappeler. C'est dommage qu'on soit toujours obligé de le rappeler. C'est important. En tout cas, pour parler de cette balade, mais aussi de l'atelier, voilà, on essaye de pousser à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes qui fassent de la mécanique, et montrer que c'est pas si compliqué. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance importante. Oui. Alors pour revenir sur l'activité précisément et la raison d'être finalement de l'association Aussi Vélo, qui existe depuis combien d'années 97. À Saint-Étienne, 97 maintenant. Ouais. Vous organisez certes certaines animations et manifestations, mais vous avez aussi alors bourse de vélo, mais aussi des cours mécaniques, oui. Vélo, des ateliers. Oui. Si on peut représenter l'association dans ses grandes missions et axes forts d'action et d'intervention. Alors du coup, au niveau de l'association, on a trois grands axes, on va dire. On a un axe donc qui est le plus connu, c'est l'atelier d'auto-réparation, donc qui est situé 38 rue d'Arcole. L'idée derrière, c'est pas un atelier de réparation. L'idée, c'est d'apprendre aux gens l'autonomie sur la réparation. C'est-à-dire que vous venez avec votre vélo, il y a des bénévoles ou des salariés qui viennent pour vous aider, pour vous donner des conseils. Mais l'idée, c'est que vous ressortez avec votre vélo réparé par vous-même et que vous ayez la joie d'avoir réparé votre vélo. Et voilà. Ça peut aller d'une crevaison, hein. Il n'y a pas de petite réparation à refaire un vélo de A à Z. Donc il y a l'atelier d'auto-réparation. Cette année, ce qu'on a mis en place, qui commence juste, c'est qu'on va faire des cours d'initiation mécanique, donc à petits groupes, donc 5 personnes avec un salarié, pour apprendre des thématiques. Alors les premières thématiques qui sont sorties, c'était réparer une crevaison. Voilà, ça peut être, il y a des niveaux basiques, mais il y a des niveaux beaucoup plus experts pour comment réparer un vélo frein hydraulique, des choses comme ça. Donc voilà, c'est adapté. Faut pas hésiter d'aller sur le site. Il y a des cours tous les jeudis, donc un jeudi sur deux plutôt, de 18h à 21h. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté cette année sur l'atelier. On a une deuxième activité qui est plutôt l'animation et la vélo-école. Donc là aussi, c'est de rendre autonome. La politique de l'association, c'est de rendre autonome les gens dans les trois aspects. Là, sur l'animation, donc la vélo-école, c'est vraiment rendre les gens autonomes sur un vélo. Alors ça peut être des gens qui ne savent pas faire un vélo. Ça arrive, des adultes. Mais ça peut être aussi des gens qui savent faire du vélo, mais qui ne sentent pas serein d'aller en ville. Donc voilà, il y a un accompagnement pour aller faire un parcours en ville, se sentir bien plus à l'aise avec les voitures. Et on sait qu'à Saint-Étienne, les aménagements cyclables sont pas chouettes. Il manque beaucoup d'aménagements. Et donc, se sentir à l'aise, prendre sa place, toute sa place sur une route, c'est important. Et voilà, c'est ce qu'on essaye d'inculquer. Et donc, ça, c'est de rendre l'autonomie. Et on a un troisième volet qui est, qui est la commission aménagement. Donc là, c'est plutôt politique, où on va aller essayer de faire un plaidoyer au niveau des élus. Donc ça, on reste soit sur la ville de Saint-Étienne ou Saint-Étienne Métropole. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer de convaincre nos élus que les cyclistes ont toute leur place sur la voirie quand on voit la place prise par la voiture. Et on se dit, ça serait peut-être bien maintenant de partager entre les cyclistes, les piétons aussi. On n'oublie pas les piétons parce que c'est important, chaque cycliste est piéton. Mais voilà, c'est de dire, il faut peut-être réfléchir à un autre paradigme, se dire que la voiture n'a peut-être pas toute sa place. On peut se repartager l'espace pour que tout le monde ait son espace. En effet, alors justement, je me permets de rebondir sur ce dernier point, Raphaël, puisque j'ai reçu cette information il y a très peu d'un collectif interassociatif, donc d'associations concernées par la mobilité, sur l'agglomération, sur Saint-Étienne Métropole, pour apporter une contribution collective intermodale sur le territoire métropolitain, avec une conférence de presse qui devrait se tenir semaine prochaine. C'est le 17 juin, si je ne me trompe, dont vous faites partie, oui. Plusieurs associations cyclistes, O2 de l'Oxygène, mais aussi d'autres associations que tu pourrais peut-être présenter. Et vous avez réalisé un document de plusieurs pages, de dizaines de pages, aux élus et techniciens métropolitains, pour un nouveau plan de mobilité précisément métropolitain, donc sur Saint-Étienne Agglomération, un plan qui porterait sur 10 années, 2025-2035. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter ce travail et chantier en cours ? Oui, alors ça c'est un travail intéressant, là où on a travaillé à plusieurs associations avec plusieurs thématiques. Donc il y a nous et O2 Onden sur toute la partie cycliste. Il y a PAP, donc Place aux piétons, pour la partie piéton. Il y a la DETLS pour tout ce qui est transport public. Et donc là, l'idée, nous, derrière, il y a FNE aussi, que j'oublie. France Nature Environnement, Villard Environnement, aussi, et voilà. D'autres associations. Et l'idée, donc ça, c'est... Donc on a travaillé sur le PDM, plan de mobilité. Donc ça, c'est un document qui est structurel au niveau de la métropole, qui doit être mis à jour, c'est obligatoire. Et c'est un plan stratégique sur la mobilité à 10, 15, 20 ans, qui va donner les vraies orientations sur la mobilité, que ce soit sur les transports en commun, sur la voiture, sur les piétons, sur le cyclisme. Donc c'est un document stratégique. Et donc voilà, nous avons travaillé au niveau interassociatif pour donner notre vision de ce PDM, qu'est-ce qu'on aimerait pour au niveau de la mobilité sur ces 10 à 15 ans qui arrivent. Donc nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important, ce document, parce que c'est un document qui va être voté au niveau de la métropole, et c'est un document qui est opposable, c'est-à-dire que c'est un document où ils donnent des objectifs. Une fois que ces objectifs sont faits, s'ils ne les font pas, on peut aller au tribunal administratif en disant, voilà, vous avez voté ces dispositions, vous ne les respectez pas. Donc c'est quelque chose qui est important et qui permet de donner quand même une orientation et de voir comment va évoluer la ville et la métropole sur ces 15 ans. Alors ce document, il fait à peu près une quarantaine de pages. Il s'intitule « Osons des mobilités durables pour des territoires désirables ». C'est ça. Donc il a été remis. Il doit être voté prochainement au sein du Conseil métropolitain. Il va être voté, s'il est voté, parce qu'effectivement c'est un engagement, comme tu le précisais. Est-ce qu'il sera voté, pour exemple, je crois que le dernier Conseil métropolitain, c'est fin juin, le 29 ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est prévu dans cette échéance-là ? Non. On est qu'au début de la réalisation de ce plan de mobilité. Il y a encore beaucoup de concertations avec nous, mais avec les citoyens. C'est un travail à 2 ans pour sortir un document. Donc nous, on a sorti nos préconisations interassociatives. Saint-Étienne Métropole va reprendre certaines de nos préconisations. Nous, l'idée, c'est de montrer aussi qu'on a quand même travaillé sur ce plan de mobilité. Et ce qui est plutôt nouveau au niveau c'est qu'on a travaillé interassociatif, c'est-à-dire que les cyclistes n'ont pas parlé que du cyclisme, ils ont parlé aussi de transport collectif. Et je trouve que ça donne une synthèse qui est assez intéressante et qui est assez partagée entre toutes les mobilités. Et alors s'il fallait un petit peu comme ça dégager, on va dire, les axes forts et préconisations que vous avez pu émettre, elles seraient de quel ordre ? Eh ben, déjà, c'est une réduction de la part modale au niveau de la voiture au profit des trois autres mobilités qui peuvent être le transport collectif, la marche qui est importante et le vélo. Sur Saint-Étienne Métropole, on a une part modale, si je parle vraiment vélo, qui est assez faible, de l'ordre de 1 à 1,5%, qui est l'une des plus faibles pour la taille de la métropole sur l'ensemble du territoire. Et nous, l'idée, c'est vraiment que cette part modale au niveau vélo arrive à des villes comme on peut avoir comme à Valence, qui est à 5-6, ou à Lyon à 8%. Donc c'est l'idée d'augmenter cette part modale de limiter tout ce qui est recours à la voiture quand on peut se permettre, quand il y a d'autres transports possible. Oui, alors ce qui limite peut-être précisément l'usage et la pratique, c'est l'aménagement. Oui. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, même si on peut noter quelques avancées ? D'ailleurs, tu peux les pointer ici sur cette antenne, mais quelles sont encore surtout les lacunes en la matière ? Et surtout, en double question, Raphaël, mais je mets ça aussi en perspective avec le plan vélo qui a été tout de même annoncé par le gouvernement il y a un an de cela, avec un déploiement de moyens importants. On a annoncé un budget conséquent en la matière. Quel aussi impact cela pourrait ou a eu, localement sur nos territoires ? Alors, sur tout ce qui est aménagement, ça fait des années qu'on essaye de travailler avec les élus pour comprendre que la mobilité cycliste n'est... Enfin, travailler sur la mobilité cycliste, c'est ne pas travailler que sur les cyclistes. C'est aussi l'aménagement global de la ville, sur l'apaisement de la ville, sur rendre la ville beaucoup plus agréable, pouvoir se promener... Plus fluide et partagé, quoi. C'est ça, c'est partagé, mais c'est aussi rendre, je pense, à la plage Jean Jaurès, la rendre entièrement piétonne. Nous, c'était un des objectifs, parce que c'est plus simple pour la vie de toujours et plus sympa. Au niveau des aménagements cyclables, donc, tout le travail qu'on a fait, ça a débouché quand même à quelque chose, et la Vélorussion était une des conséquences. C'est le plan vélo métropolitain qui a été voté en 2019. Donc suite à toutes nos recommandations, on a fait tout un travail pour découvrir des tracés intéressants. Et une réunion qu'on a eue en septembre 2023 pour refixer les objectifs à 2026, parce que depuis 2019, il n'y a pas eu beaucoup d'aménagements qui ont été réalisés. Il y a eu beaucoup d'études. Clairement, il y a eu énormément d'études de Saint-Étienne Métropole, mais très très peu de réalisations. Alors, concrètement, tu peux donner ça en termes de quantifiables, de chiffres par exemple, c'est quoi ? C'est combien de kilomètres ? Alors actuellement, sur Saint-Étienne, on a 10 km de pistes cyclables, bandes cyclables. Voilà, c'est ce qui est très ça peu. Ça donne un ordre d'idée. Et sur la métropole, on a à peu près 22 km de pistes cyclables. L'objectif qui nous a été donné en septembre 2023, donc on a une grosse réunion là sur ce plan vélo. Donc c'est un objectif à 2026. C'est passé donc sur la métropole de 22 km de pistes cyclables à 65 km de pistes cyclables à 2026, donc dans 2 ans. Ce qui est pour une autre métropole très peu, mais ce qui est pour Saint-Étienne Métropole au vu d'où on part, qui est beaucoup. Mais réalisable en 2 ans? Ah voilà, on va laisser arrive, le... Surtout qu'on arrive sur une fin de mandat, on va laisser dans un mandat déjà compliqué. Le bénéfice du doute, on va dire. Mmh. C'est-à-dire, alors, ce qui s'est passé, c'est que sur la métropole, toutes les études ont été faites. On a des études qui sont extrêmement avancées, il n'y a pas de réalisation. Maintenant, il faut passer sur la phase réalisation. Il y a des aménagements, on sait, qui risquent de se faire, par exemple sur la vallée de Londaine, où... Je pense que pratiquement l'intégralité de la vallée de Londaine sera cyclable à 2026. Il y a déjà pas mal d'aménagements. Il y a 9 km à peu près de voies cyclables sur la vallée de Londaine. Il y en a 12 à réaliser, donc ça, c'est des choses qui sont réalisables. La vallée du Gier, il nous a été présenté aussi, donc pour faire écho à l'assaut du Gier, qui aurait normalement des aménagements de cyclables de Saint-Chamond à Rive-de-Gier intégralement, et normalement des voies partagées. C'est pas des bandes cyclables comme on peut voir. Bon, à l'exception de Lorette. Parce que bon, le maire est anti-vélo. Donc blocage. Donc blocage, blocage au niveau communal. Voilà, alors, l'idée derrière, voilà, c'est ce qui nous a été présenté il y a un an, enfin en septembre 2023. Donc nous, on va laisser le bénéfice du doute et on va leur dire « Ok, vous avez mis ça comme objectif. » Ce qu'on a, nous, derrière, c'est de faire un observatoire. C'est ce qu'on est en train de monter en place, c'est-à-dire vous nous avez défini des objectifs à 2026 qui sont chiffrés, on a les tracés, on sait les secteurs qui vont être aménagés, ceux qui ne vont pas l'être. L'idée, c'est voilà, de dire bah, à 2026, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez fait 100% de ce que vous nous avez présenté? Ou est-ce que vous êtes à 50, à 30? Et là, on fera un vrai bilan de ce qui nous a été présenté. Donc voilà, je suis assez partagé parce que ça n'a pas avancé clairement depuis une quinzaine d'années. Il y a eu très peu d'aménagements, à part quand même la voie au niveau de la troisième voie de tram. Mais sinon, il y a eu très très peu d'aménagements. On va voir. Donc au regard, on va dire, du plan que vous avez vous présenté donc 2019. C'était en 2018. Ouais, 2018-2019. Du plan gouvernemental et du plan vélo annoncé il y a un an de cela. Ouais. En gros, tout de même, vous en tirez quelles conséquences et appréciations? Alors au niveau du plan gouvernemental, alors ce qui est intéressant... Ça parle pas que d'aménagement. Le plan gouvernemental, c'est plus général, c'est vraiment la politique cyclable en généralité. C'est-à-dire qu'il y a une grosse part qui est faite au niveau des écoles, des écoles primaires, sur le savoir rouler à vélo. C'est-à-dire que, comme la piscine, qui est faite depuis des années, chaque élève primaire doit savoir, en fin de CE2, faire du vélo et savoir faire du vélo sur la route. C'est pas faire... on appelle ça le savoir rouler à vélo, qui sont en trois socles. Et le troisième socle, c'est vraiment faire du vélo. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est les cyclistes de demain. Donc c'est important. Sur les aménagements, donc c'est plutôt au niveau budget, et le plan national va intervenir vraiment sur des points noirs qui nécessitent vraiment des investissements extrêmement importants, et là ça va être des aides substantielles pour les aménageurs. Et puis il y a aussi toute une politique sur le vélo plutôt rural, parce qu'on parle souvent de vélo urbain, mais il ne faut pas oublier qu'au niveau rural, c'est aussi un important. Alors rural ou semi-rural d'ailleurs. Ou semi-rural, parce que ce sont aussi les villes en périphérie de la ville centre, qui serait par exemple Saint-Étienne, sont aussi les aménagements qui amènent, pour exemple, à la ville de façon simple, aménagée, sécurisée. C'est ça. Ouais, donc ça fait partie des points. Et alors je pensais aussi notamment un point peut-être positif ou non, je ne sais pas, mais il me semble que les stations vélo sont énormément développées et qu'on en trouve aujourd'hui des villes où on rejoint, on va dire, des stations d'offres, hein, sur la métropole. Ça, c'est quelque chose aussi que vous notez et qui fonctionne. Ouais, sur les stations Vélivère. Ouais. Ouais. Alors station Vélivère, alors nous on était extrêmement contents qu'il y ait cette offre Vélivère électrique. Parce que bon, on peut dire quand même, au niveau de Saint-Étienne, il y a quand même quelques montées, et souvent ce qui nous est rétorqué au niveau des élus, c'est que le problème à Saint-Étienne, c'est les montagnes, donc on ne peut pas mettre de vélo parce qu'il y a des montagnes. On se rend compte que maintenant, avec les vélos électriques qui sont démocratisés, les montagnes, il n'y a plus de problématiques de montagnes. Et donc on se retrouve avec pas mal de gens qui essayent des vélos électriques, ces fameux Vélivère, qui ne sont pas forcément cyclistes. Et alors c'est un bien fait et un mal fait, on se retrouve avec des oppositions entre les vélos, les piétons, les vélos, les voitures, parce qu'il n'y a pas d'aménagement. Donc on se retrouve avec une quantité de vélos qui est assez importante sur Saint-Étienne, mais il n'y a pas d'aménagement, donc il y a des conflits d'usage qui apparaissent. Et donc, bah, la suite logique, c'est qu'il va falloir aménager pour ces l'hiver, pour qu'ils aient toute leur place et qu'il n'y ait plus de conflit d'usage, ne serait-ce qu'avec les piétons. Voilà. Mais est-ce que malgré tout, le développement donc, sur certaines communes périphériques à Saint-Étienne qui ont accueilli des stations ont encouragé, est-ce qu'il y a une sorte de bilan aussi tout de même qui a pu être fait de la pratique, usage de ces stations et de ces vélivers notamment? Alors malheureusement, on n'a pas les chiffres. On n'a pas de chiffres aussi au niveau de métropole. Donc je ne pourrais pas dire au niveau de la... Je sais que sur Saint-Étienne, ça marche bien, mais sur les communes limitrophes, je ne sais pas. Très bien. Raphaël, coprésident de Aussi Vélo sur 895 aujourd'hui. Et pour terminer, ce dernier point qui est prévu ce dimanche, 16 juin, c'est cette grande manifestation que vous organisez pour la 7e édition. C'est la Vélorution du Gier, à l'assaut du Gier, édition 2024. Alors, c'est une sorte de manifestation convergence à vélo vers Rive de Gier afin de demander la réalisation de la véloroute des confluences entre Loire et Rhône. Est-ce que tu peux rappeler aussi peut-être l'intention de ce projet qui fait que on imagine si la manifestation a lieu, c'est que peu d'avancées en matière précisément de développement, réalisation et aménagement. Oui. Donc ça fait septième année qu'on co-organise cette vélorution. Donc c'est une co-organisation, alors pas qu'avec des associations de la Loire, il y a aussi des associations de Lyon et des associations d'Isère, de Vienne. Donc c'est vraiment une convergence de Lyon, de Vienne, du plateau mornantais aussi, à Rive de Gier. Donc l'idée, c'est de rappeler aux politiques donc cette voie verte des confluences. Donc c'est une voie qui part du Pertuiset donc à Firminy donc sur la Loire et qui arrive au Rhône. Donc c'est vraiment la confluence entre la Loire et le Rhône. Donc c'est un projet qui est très ancien, qui a été étudié dès 2013. On a les tracés, on sait où ça passe depuis 2013. Et malgré tout, on voit très très très peu de réalisations. Il y a eu tellement peu de réalisations parce que cette voie verte fait partie du schéma national des véloroutes. Donc il y a un schéma national qui indique toutes les véloroutes qui vont être réalisées. Et par deux fois, ça a failli sortir de ce schéma national faute d'aménagement. Donc nous, c'est de rappeler que cette voie verte est importante, que ce soit dans la vallée du Gier, mais aussi de la vallée de l'Ondaine. C'est une voie qui est structurante. Quand on sait qu'au niveau de la vallée du Gier, en fait, que 70% des trajets sur l'autoroute sont de commune à commune. C'est-à-dire que il y a très peu de circulation de Saint-Étienne à Lyon. Quand on sait que l'autoroute est continuellement bouchée par des bouchons, on peut se dire faire 5 km à vélo, c'est très simple. Les gens ne le font pas parce qu'il n'y a pas d'aménagement et c'est clairement dangereux de faire du vélo sur la vallée du Gier actuellement vu les aménagements. Donc c'est de rappeler que aménager une voie verte sur la vallée du Gier, c'est proposer un autre parcours pour les gens, éviter de prendre la voiture et baisser les bouchons sur l'autoroute. Donc c'est aussi bon pour les voitures que pour les cyclistes, voilà. Oui, alors l'autre aussi alternative possible, c'est celle de la pratique, je dirais, intermodale, puisque je dirais en parallèle à la 47. La 45, c'est un autre projet. Il y a tout de même ce réseau ferré, et donc avec beaucoup de déplacements entre Saint-Étienne et Lyon, Lyon-Saint-Étienne, et la pratique justement peut-être de vélo possible au sein des gares qui ponctuent comme ça la vallée du Gier. Est-ce que c'est aussi quelque chose, parce que la question du transport ferré se pose aussi en termes de moyens et de développement. Est-ce que c'est des choses c'est qui sûr. Intègrent finalement aussi précisément le projet C'est important. L'intermodalité, on prône ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire facilement 5 km à vélo. Prendre le train. Faire plus, voilà, faut être convaincu. Mais effectivement, prendre le train pour aller à Lyon et venir à vélo, faire ces 3-4 km avant sans prendre la voiture. C'est très facile, mais il faut qu'il y ait des aménagements. Donc, c'est effectivement cette voie structurante dans la VNUG, mais c'est aussi l'intermodalité entre les gares et le bus aussi. Au-delà des aménagements, je me questionnais de savoir si la pratique aussi en tant que telle était facilitée. C'est-à-dire, est-ce qu'il est simple aujourd'hui de prendre le vélo et de prendre le train à vélo, en quelque sorte ? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris le vélo dans le train de Lyon. Ça peut être des fois un peu la guerre, c'est-à-dire qu'au niveau de la SNCF, il n'y a vraiment pas une politique pour prendre les vélos dans les trains. Il y a 5-6 places, voilà. Alors, après, je vais prendre quand même l'exemple de la Hollande. Au niveau de la Hollande, qui est quand même très développée au niveau du vélo, Au niveau des places dans les trains, il n'y en a pas forcément plus que chez nous. Par contre, il y a des parkings qui sont beaucoup plus importants au niveau des gares que chez nous. Et les gens posent leur vélo, c'est vraiment de l'intermobilité, c'est-à-dire qu'ils vont poser leur vélo à l'entrée de la gare. Et une fois qu'ils ressortent de la gare, ils ont un autre vélo qui les attend pour faire le trajet. Et je pense que c'est la solution, parce qu'effectivement, sur les TER, ça va être compliqué de mettre des rames vélos actuellement. Par contre, faire un stationnement protégé sur toutes les gares et sécurisé, je pense que c'est vraiment la solution avec deux vélos pour d'aller d'un côté ou un autre. Ouais. Alors en tout cas, vous allez proposer un retour libre suite à cette convergence vélo de dimanche possible en TER, justement, hein, parce qu'une fois qu'on sera parti des villes périphériques et rejoindre Rives de Gier, c'est le retour aussi qui sera envisagé en fin de journée, dont TER possible. Ouais. Alors simplement, peut-être rappeler un peu comment va s'organiser cette journée, Raphaël, de ce dimanche 16 juin à l'assaut du Gier. Du coup, donc pour la partie Loire, on a des départs donc de Saint-Étienne à 10h de l'hôtel de la Métropole, donc à Gruner. Château-Creux. À Château-Creux, voilà, côté de Château-Creux. Il y aura des départs aussi de Sorbier à 10h30 du Parc Fraisse, de Saint-Jean-Bonnefonds aussi de la place Saint-Charles, donc 10h30 aussi. Et donc là, l'idée sur les trois départs là, sur la Loire, c'est d'arriver à Saint-Chamond et de faire déjà une première convergence à Saint-Chamond. Ce qui est possible aussi pour les gens qui ne se sentent pas de faire l'intégralité du tracé, parcours, c'est aussi de commencer par faire de l'intermodalité et de prendre le train de Saint-Étienne et d'arriver à Saint-Chamond. Et nous, on attendra le train à Saint-Chamond. Je pense aux enfants qui voilà, s'ils ne veulent pas faire l'intégralité. Il y aura en plus de la musique pour attendre. Et de Saint-Chamond, on déambulera jusqu'à Rives de Gier. L'idée, c'est d'arriver à peu près à une heure à Rives de Gier. Rives de Gier, voilà, on fait un petit pique-nique improvisé. Et on remonte tous chez nous. Donc il y a la possibilité de revenir par TER, donc de tester le TER. Alors le dimanche, ça va. En général, il n'y a pas trop de monde, donc c'est possible de faire. Mais aussi, il y aura une remontée à vélo pour ceux qui ont envie. Ça, c'est au square Marcel Paul, c'est ça, de Rives de Gier pour le point de rassemblement. C'est ça. Pique-nique prévu, animation prévue, festivités prévues. Tu as parlé des départs de la Loire, mais il y a aussi des départs donc de l'Isère, de Vienne, pour exemple, voilà. Des départs de Lyon, Vernaison, Givors pour c'est le côté ça. Rhône. Mais l'idée étant d'être rassemblé square Marcel Paul de Rives de Gier ce 16 juin, donc en début d'après-midi. C'est ça. Hein. Très bien pour cette septième édition de À l'assaut du Gier, Vélorussion du Gier 2024. Est-ce qu'après cet assaut du Gier et ce 16 juin, d'autres actions prévues d'ici fin juin, d'ici cet été ou d'ici la rentrée prochaine, Raphaël ? Parce que je crois qu'il y a aussi cette fameuse journée des voies vertes, par exemple, en en septembre, qui aussi est une année un peu anniversaire, me semble-t-il. Bref, est-ce que vous avez des actions et de l'actualité prévues dans les semaines et mois à venir ? Pour l'instant, non. Okay. Alors, on va rester sur celle-ci, très proche. Donc, 7e édition à l'Assaut du Gier, ce dimanche 16 juin. Plus d'infos au civélo.fr, on le rappelle. Merci Raphaël. Merci. D'être venu sur l'antenne du 895 de Dio pour nous présenter tout cela. On va en profiter pour faire une petite transition musicale avec un petit, voilà, à la fois un petit brin de nostalgie. Mais on va écouter les Dugs avec le titre Biking, précisément pour faire transition avant de vous donner quelques infos et rendez-vous à venir pour terminer ce programme des mots des sons sensibles sur le 895 de Dio. Et oui, siffler en roulant, pourquoi pas. Biking des thugs, parce que le vélo peut rendre heureux, voilà, et faire du bien surtout à la tête et au corps, les thugs ici de cet album si bien nommé As Happy As Possible. Voilà pour eh bien notre petit point vélo du jour, et on va continuer très rapidement à rouler, mais très vite en cette fin de programme pour vous annoncer les rendez-vous de cette fin de semaine et la petite sélection faite. Pour boucler les rendez-vous, notamment vous rappeler la marche cette fois des Fiertés. Et oui, c'est une nouvelle édition à Saint-Étienne. Ce sera ce 15 juin, départ 15h, place Chavanel, avec une soirée de clôture, puisque de là, cette marche devrait se rendre sur le parc Joseph Sangdols puis Courriot en soirée, et donc toute une soirée, voire nuit, de clôture, puisque c'est une nocturne véritablement jusqu'au petit matin qui est prévue entre ce 15 et 16 juin. Voilà, donc non pas Ride, mais Pride 2024. Soyez fiers, marche des Fiertés Saint-Étienne, ce 15 juin. En autre rendez-vous également que je voulais vous rappeler et proposer. Alors c'est des concerts attendus cette semaine, ce jeudi 13 juin par exemple à la Cale, à Saint-Étienne, amicale avec du Crédroc, quartier Crédroc bien entendu. Eh bien c'est l'alignement Désastre, Asso, qui organise activement quelques concerts depuis quelques temps à Saint-Étienne, avec les fameux locaux Pied Gauche, Fantôme Josepha ou encore Borgfoul, qui donc sont prévus à la Cale à partir de 19h ce jeudi 13 juin. Autre concert attendu, toujours à la Cale, on en profite pour l'annoncer, c'est aussi cette fin de semaine et ce week-end, c'est les concerts de Fragile Figure, La Heimlich et Bildung. Donc on est dans des registres plutôt post-punk, trans, noise, et ça se déroulera également donc ce 15 juin, samedi, à partir de 20h30 à la Cale Amicalec du Crédroc. Autre concert, et c'est cette fois ce mercredi 12 juin, c'est l'association Néravif, Asso, qui organise, si je ne me trompe, son dernier concert de la saison, avec alors une formation à la fois américaine et plutôt régionale et lyonnaise, la formation Power Pop The Segments, ainsi que le groupe de Chicago, Poison Boys, qui existe depuis 2014, année de leur création explosive. Voilà donc pour cette affiche partagée, et donc ces groupes attendus à l'entrepôt café place Jules Guède à Saint-Étienne. Une ou des infos encore à vous faire part, c'est par exemple l'exposition de Petit Béton à partir de ce vendredi 14 juin à 18h, atelier Marie-Louise, situé 8 rue des Creuses à Saint-Étienne. Et c'est le fameux duo Ella et Pitre qui exposeront des petits formats de béton peints et fissurés avec leur bien sûr pâte et humour si singulier. Ce vernissage aura lieu ce vendredi 14 juin pour cette expo qui sera installée jusqu'au 20 septembre prochain, donc à l'atelier Marie-Louise situé 8 rue des Creuses à Saint-Étienne. Et puisqu'on parle d'expo encore, j'avais retenu cette exposition du côté de la Ricamari, une exposition de Loupi, le fameux auteur dessinateur stéphanois, qui d'ailleurs vient de faire de l'actualité avec la sortie de sa BD et ô combien d'actualité, reportage en Israël et Palestine, Amour, sexe et terre promise, aux côtés de la journaliste Salomé, Paron Rajdi, avec cette difficulté d'aimer en Israël et en Palestine. 2 ans d'enquête pour cette journaliste mise en dessin et images par Deloupi. Deloupi qui expose du côté de la Ricamari en ville et à la médiathèque d'ailleurs. Ne manquez pas cette exposition avec le vernissage qui précisément a lieu ce jour. L'expo s'intitule ZAD, le monde d'après. Le monde d'après s'affiche, donc c'est du côté de la médiathèque Jules Verne hein, et de la ville de la Ricamari, dans le cadre du festival Résonance. Le monde d'après, bien, n'est pas celui que les hommes politiques nous ont promis au tout début de la crise, crise ô combien aujourd'hui démocratique et politique en effet. En tout cas, voilà, au contraire, sous les traits de Deloupi, eh bien, on va au bout de ces extrémismes en tout genre, au bout de la destruction dont l'humanité est actrice, dessins originaux exposés en grand format dans la ville, sur les arrêts de bus et autres, et donc dans la galerie de la médiathèque Jules Verne de la Ricamarie, avec un vernissage qui est prévu ce mardi 11 juin. C'est à partir de 18h pour cette expo qui est prévue jusqu'au 30 juin prochain, et un autre temps fort. D'ailleurs, à noter dans ce cadre-là, c'est une balade dans la ville avec l'auteur et échange autour des affiches. Ce sera le mercredi 19 juin. Rendez-vous sera donné à 14h à la médiathèque de la Ricamarie. Et puis, une ou deux infos encore pour boucler définitivement. On parle de clôture de saison. Du côté des studios Diptyque également, clôture de saison et en plein air du côté des studios Diptyque, qui eux sont situés 11 rue René Cassin à Saint-Étienne. Ce sera ce mercredi 12 juin à partir de 17h30. C'est une clôture de saison avec une expérience proposée bien sûr par les chorégraphes Souhel Marchiche et Mehdi Megari, le fameux binôme et diptyque de la compagnie, animé par les regards singuliers d'artistes marocains avec lesquels ils dialoguent depuis plusieurs années. Donc travaille autour, on va dire, de la musique gnaoui, gnaoua, cirque associé, assez interdisciplinaire pour cette proposition dansée et circassienne en quelque sorte. Donc visite des studios pour les curieux, curieuses, spectacle ensuite de Saïd Moussine Tarou de la compagnie Zid. Voilà, entrée gratuite pour tous et toutes, c'est ce mercredi 12 juin à partir de 17h30. On le rappelle, c'est parking Maison de la Nature et c'est 11 rue René Cassin à Saint-Étienne, plus précisément quartier de la Cotonne. Et puis on termine définitivement avec un anniversaire, parce que ce sont les 50 ans du parc du Pilat. Et oui, en 1974, le 17 mai 1974, le décret de création du parc naturel régional du Pilat a été signé par Pierre Besmer. Et bien voilà, 50 années plus tard, c'est un coup d'envoi de festivité de cette année anniversaire. 50 ans, ça se fête en effet pour ce demi-siècle d'existence du parc naturel régional du Pilat, avec bon nombre d'animations prévues à partir de ce 13 juin jusqu'au 7 juillet prochain. Une vingtaine de rendez-vous qui s'égrèneront chaque semaine aux quatre coins du Pilat, en ciné, débats, conférences, visites et animations diverses. Vous avez toutes les infos sur le site bien sûr du Pilat, le parc du Pilat, c'est www.parc-naturel-pilat.fr. Un rendez-vous que nous avions prévu anniversaire en ce lundi, panhertzienne sévissant. Nous reporterons ce rendez-vous sur le 8-9-5 de Dieu. En tout cas, voilà, on souhaite bien sûr un bon anniversaire au parc naturel régional du Pilat pour ses 50 ans fêtés jusqu'au 7 juillet, mais qui va aussi se prolonger toute cette année anniversaire 2024. C'est la toute fin de ce programme des mots des sons sensibles, avec eh bien vous annoncer le festival radio qui sévit actuellement et que nous vous proposons depuis le début de ce mois de juin. C'est un festival live radiophonique avec eh bien en effet des concerts que l'on vous propose sur le 895 de Dio depuis ce début de mois de juin. Des concerts archives enregistrés dans divers festivals à droite et gauche, en nos studios parfois, et du live live, c'est-à-dire véritablement des rendez-vous directs sur le 895 de Dio pour diverses formations. Et c'est le cas eh bien à nouveau encore cette semaine, et pas plus tard que ce mardi 11 juin, avec un live radiophonique du côté du Démineur. Vous savez, ce lieu qui est situé pas très loin de la place Jules Guesde, aux côtés de l'entrepôt café dont on parle souvent. En effet, c'est la fin de cette aventure du Démineur. Et eh bien, on peut le dire, Dupive et Christophe, qui sévit aussi sur cette antenne aux commandes du retour de la guinguette chaque mardi 18h. Qui termine cette aventure de ce bistrot. Et donc un rendez-vous live radiophonique attendu ce mardi 11 juin. Ce sera en direct du Démineur à partir de 18h pour le retour de la guinguette. Les programmes habituels, Pata Negra, La France Pue ce soir, donc en sirotant donc un petit verre autour de et avant la fermeture de ce lieu atypique stéphanois. C'est situé 3 rue du Jeu de l'Arc donc c'est cette fin d'après-midi pour ce direct diophonique. Et puis ça va se poursuivre demain avec, pour exemple, Plus fort j'entends rien, qui va recevoir en direct Somaticae, interview live surtout à partir de 12h ce mercredi 12 juin. Et puis d'autres rendez-vous encore à venir d'ici fin juin pour des lives entendus en nos studios. Vous avez toutes les infos sur le site radiodio.org, bien entendu. On termine en musique en guise de générique de fin avec... nos découvertes, artistes, albums, partenariats Ferrarock comme chaque semaine jusqu'à ce 16 juin, double proposition, l'album Sink or Swim d'Isadora et puis le nouvel album de Sages comme des Sauvages pour leur album Maison Maquis qui est sorti le 7 juin dernier chez Capitan Records. C'est le troisième album du groupe qu'on attendait impatiemment, que pour ma part je suis allé découvrir du côté du festival Parole et Musique, une prestation malgré tout qui m'a énormément déçu de par les premières propositions qu'avait pu faire le groupe, beaucoup plus peut-être aventureuse musicalement, et bref, en tout cas une prestation scénique quelque peu décevante à mon goût, en tout cas à mes oreilles aujourd'hui, mais l'album est là aujourd'hui pour défendre donc ce nouvel opus Sages comme des Sauvages. Je vous propose le titre Le Loyer en guise de générique de fin de ce programme. Des mots, des sons sensibles, c'est terminé. On se retrouve jeudi, même lieu, même heure, avec d'autres et nouveaux invités. En effet, nous allons parler d'un projet intitulé Raconter ses langues et ses identités, qui est mené du côté de l'école Gaspard Monge. Vous en saurez davantage en écoutant ce rendez-vous jeudi, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien, tout bon chez vous. Ciao, bye. Faut se rendre à l'évidence, la courbe à pas remonter. Habiter ses jours en France, habiter, bah c'est compliqué. Et le loyer en liquide, l'eau ne fait que de monter. J'ai perdu mon chien stupide, on dirait elle commence à me noyer. Et partout tout s'est mis à flotter, quand s'est effondré la retenue. Mais s'il a déjà disparu, pourquoi t'appelles ça un revenu? Et on a bien peu de choses, on a mis la rose, enfin tu sais. Et les fleurs sont périssables, quand on n'a pas le budget. Paraît qu'il n'a pas d'odeur, et que tous veulent l'avaler. Paraît qu'il fait pas le bonheur. Enfin oui, mais enfin oui, mais. Qui paye? Qui paye? Qui paye? Qui paye? Qui paye pour ce qu'il a fait? Qui paye pour ce qu'il devrait? Qui paye pour son sommeil? Qui paye pour oublier? Refus du dossier de résidence, choisir d'habiter dans son camion. Oh les nouvelles évidences, oh la durée des horizons. Et l'essence est trop liquide et ne peut pas nous chauffer. Oh comme la vue est splendide, oh tu sens-tu le froid de mes pieds. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, le montant, le montant, le montant de l'argent compte aussi, compte bien, compte trop, sur des doigts qui n'y comprennent rien. Et quand on n'a que l'amour, et qu'on essuie des verres au fond du café, le temps qui va tout s'en va, passer du temps cher mal payé, paraît qu'il n'a pas d'odeur, et que tous veulent l'avaler. Paraît qu'il fait pas le bonheur. Enfin oui, mais qui paye? Qui paye? Qui paye? Qui paye? Qui paye pour ce qu'il a fait? Qui paye pour ce qu'il devrait? Qui